Ce sera un concert grandiose avec 800 000 spectateurs attendus sur le Champ de Mars. Un concert gratuit, mais pas pour tout le monde. Il en coûtera 2 millions d'euros au ministère de la Culture, autrement dit aux contribuables français. Mais Johnny n'a pas de prix. On a parlé d'un cachet de 200 000 euros. Ok. Je vis dans un pays rempli de tarés. Je n'ai qu'une envie, c'est de me barrer. La moitié de la populace carrément égarée. Il faut que je trace avant le coup d'arrêt. Je sais pas par quoi commencer, tant de choses qui me font dégueuler. C'est pas un texte romancé, que de la haine ficelée. La révolte qui sommeille est à son paroxysme. Je veux pas que ça bouge, je veux carrément un séisme. Aujourd'hui je vois rouge, au top et mon pessimisme. Faudra se lever tôt pour stopper mon militantisme. Un putain d'attentat, je rêverais d'intenter. Au plus haut lieu de l'État, puis je boirai à leur santé. Cette France me dégoûte ainsi que tous ses emblèmes. En total déroute, je ne vois que des problèmes. L'hexagone est malade, à choper la jaunisse. Je suis dans un pays de pauvres qui applaudit Johnny. Pour devenir encore plus pauvre, à voter Sarkozy. Sa vie privée passionne des millions de pauvres esprits. Des petites anecdotes pour cacher le fond du sujet. Des mensonges en stock et les gens sont grugés. Dans leur tête formatée, le canapé leur QG. Du confort pour mater, des saloperies en full HD. Pernod me fait vomir et tous les autres d'ailleurs. J'ai du mal à rester calme, assis en tailleur. Les journalistes écoutent pas, te laisse pas répondre, mon sourire figé, même pour une actu sombre. J'ai honte de ce pays dans lequel je suis né et vie. Borné de préjugés, maintenant je me méfie. Les Français deviennent des hommes lorsqu'ils sont au volant. On dépoussé d'hormones, insultés deviennent violents. Mais pour défendre leurs droits, ils la ferment impuissants. On leur met bien profond, ils le prennent en riant. Cette France de pécor qui croit que les étrangers picorent. Pire qu'un film corps, laisse-moi planter le décor. On a une sous-culture pseudo-artiste engagée. À les entendre parler, on les croirait tous enragés. Des putains de bobos, mais en vrai BCBG, qu'ils aillent tous crever, désolé pas d'abréger. Pas besoin d'être agrégé pour haïr Zemmour. Ces chroniques sont grillées comme ces comics sans humour. Je rêve d'un nouveau Coluche, un mec qui prendra parti. Guillaume, Danny Boone ne me font pas gaulerie. Je veux des vrais coups de gueule à la Guillaume Depardieu. Ceux qui restent caressent dans le sens du poil, dans le sens du poids électoral. Ils n'ont pas de face mais croient posséder le Graal. Partir j'y songe, fuir ces mensonges. Avant que la haine me ronge, jamais je pense réponge. France, pays où j'ai grandi, où j'ai vécu, où j'ai tout fait. Je rêve désormais de la salir, mais de mes méfaits. Car j'ai tout fait, c'est de pire en pire. Trop de choses à dire, par où commencer. Des dirigeants à la majorité de ses habitants. Texte méchant, mais j'ai la haine et m'exprime en chant. Prenant des valeurs jamais respectées. Liberté, égalité ou l'illusion d'une démocratie qui a déjà pété. De l'abus de pouvoir à tous les échelons. Les frères cessons de nous leurrer et prenons la révolution. La vérité, j'en ai trop marre. Discours limite barbare. Des amendes et de leurs taxes qu'ils inventent et qui nous lassent. France, sache que je t'aime, mais j'ai la rage envers ton système. Des prisons gouvernées par des incompétents. Tous veulent le pouvoir et l'argent, mais en vérité, en ont rien à foutre des gens. Peu intelligents, cerf volant comme une diligence. France ne t'attend à aucune allégeance. J'ai bien trop de méfiance, à quand la dictature. Progressivement nos droits s'envolent dans la nature. Les médias nous manipulent, ça devient une manie. Leur connerie à la télé pullule, ils nous endorment. Et si on se rebelle, ils sortent les armes. Y'a comme les arts, on vit presque dans la peur. Regarde comment sont pris pour cible bon nombre de rappeurs. Je m'insurge, car je suis sûr qu'on ne peut faire que mieux. Je veux vivre libre, mais y'a des entraves et dans de nombreux lieux. De la police qui joue les cow-boys aux lois stupides, je trouve que l'État déconne. Bref, je vais pas en faire plus. Je suis déçu, je rêve de partir, c'est sûr. Mais tout n'est pas acheté, système social que beaucoup envient. Sur ce à plus, je serai vénère tant que rien ne change. Et ce pour la vie. L'ERAC, car un jour tu devras péter. Ouais, je voulais voir au moins une fois dans ma vie de près les. Comment s'appelle la Légion, et je les ai vus. L'expérience d'une vie. Dans l'immédiat, c'est la conquête des plages et des terrains de camping qui intéresse des millions de Français. Comment peut-on reprocher à un président d'avoir une Rolex? Une Rolex. Enfin, tout le monde a une Rolex. Si à 50 ans on n'a pas une Rolex, on a quand même raté sa vie. C'est Nicolas Sarkozy qui aurait suggéré le nom de Johnny pour ce concert. Mais voilà, depuis 2 ans, Johnny a établi sa résidence fiscale en Suisse. Je ne regrette pas de payer des impôts quand je vois ça. Et je me dis, la France, on est un pays super. Pays super. Pays super. Pays super. Pays super. Pays super. Pays super.